Pour tous ceux qui prient et implorent peut-être les deux mains vers l'horizon. Prophète ou Messie, tu es né peut-être, est-ce à tort ou à raison? J'ai besoin d'une réponse. Au fond, pardonne-moi Marie, toi aussi Joseph, de ne pas croire en son nom. Il nous a choisis sur la terre comme au ciel. Je n'ai pas trouvé son monde, je ne vois que dérision. Au fond, mais pourtant, dans 100 ans et dans 1000 ans, l'avenir reste à vivre. Et pourtant, oui, pourtant, sans trop grand chose à dire. Toi, Jésus le Christ, qu'on a pu connaître de Bethléem jusqu'à Ponce, seul sur ta colline, pour tous tes blasphèmes, a prêché pour leur pardon. Ils n'ont pas cru tes sermons. Au fond, récits qu'on a pu en faire, à vouloir avoir raison, on a juste appris à vivre sur la terre en suppliant ton pardon. Un besoin, une obsession. Au fond, et pourtant, il y a longtemps, si longtemps, les hommes